Dans le cadre donc d'un colloque qui s'est tenu au mois de mai à l'Université Laval, donc un colloque d'études africaines, l'entretien qu'on va vous passer en dit davantage si vous voulez avoir des informations plus exactes sur le colloque. Donc monsieur Hamzat s'est entretenu avec une didacticienne spécialiste des enjeux linguistiques en Algérie, madame Assia Belguedouche, elle est de l'école normale supérieure de Bouzaria en Algérie. Bien entendu, c'est un entretien qui porte sur le statut, la perception, la question, la représentation de la langue française en Algérie. Donc, comme je l'ai dit, Madame Belguedouche était de passage ici et elle s'est entretenue avec lui. Et cet entretien est assez intéressant parce qu'il nous montre le rapport complexe, ambigu et inavoué que détient la langue française, notamment dans la plupart des pays du Maghreb, mais plus particulièrement en Algérie. C'est la langue de l'ascension professionnelle. La langue française joue également un rôle important en termes de reproduction sociale. Bien entendu, la langue française ne jouit pas d'un statut de langue officielle. Elle a un statut qui est très flou. Elle n'est pas tout à fait une langue étrangère parce que c'est une langue qui est quand même appropriée par une bonne catégorie de l'élite. Le rapport à la langue française pose également le rapport aux langues vernaculaires, hein, c'est-à-dire les langues arabes dialectales, les différentes variantes de la langue tamazight, la langue berbère. Donc c'est un entretien qui était très intéressant parce qu'il pose la question du plurilinguisme, il pose donc le rapport de l'intellectuel avec les langues populaires, toutes sortes d'enjeux donc qui sont abordés dans cet entretien qu'Hamzat a réalisé donc avec madame Assia Belguedouche en mai dernier. C'est un entretien qui dure 17 minutes et on prendra une petite pause musicale après. Donc Moussa, si tu peux nous le faire jouer, s'il te plaît. Et merci d'avance donc à Hamzat pour cette précieuse collaboration. Même s'il nous a quittés, on regrette amèrement son départ. Il est désormais sous d'autres cieux. Aujourd'hui, j'ai eu des informations de sa part. Il est à Ouagadougou. Alors, je me trouve en présence de Assia Belguedouche. Assia Belguedouche est docteur en sciences du langage, en spécialité didactique. Elle est maître assistante à l'École nationale supérieure des sciences humaines d'Alger. Elle est actuellement donc à Québec dans le cadre d'un colloque organisé par le GIRSA puis par le Forum mondial de la langue française. Donc bonjour Assia. Bonjour. Alors Assia, je voudrais vous demander une première question. En quoi la représentation que les jeunes Algériens se font de la France a-t-elle un impact sur l'enseignement de la langue française en Algérie? Et quelles sont les raisons de l'intérêt ou du désintérêt des jeunes Algériens pour la langue française? Oui, d'abord merci de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Les représentations des apprenants algériens ou les représentations de tout apprenant, de toute personne, sont déterminantes dans la vie de toute personne, dans toute action qu'on doit mener, dans la mesure où chacun de nous perçoit le monde à travers ses représentations. Cette perception n'est jamais objective en fait. On a toujours des facteurs qui font que la réalité est déformée. On sait très bien que toute représentation, qu'elle soit graphique, photographique ou autre, n'est jamais la reproduction exacte de la réalité. Ça reste une représentation. Donc, cette représentation peut déterminer les opinions de nos apprenants vis-à-vis de la langue et aussi vis-à-vis du pays parlé par ou du pays d'origine de la langue. Et ça peut ou favoriser l'apprentissage de cette langue ou carrément être un obstacle à cet apprentissage. Donc si ces représentations génèrent des attitudes positives, cela va permettre d'aller vers cet enseignement, vers cet apprentissage et facilitera en tout cas en une grande partie cet apprentissage. Mais si les attitudes générées sont négatives, ça pousse l'apprenant à fuir cet apprentissage, c'est-à-dire même s'il est dans le contexte de l'apprentissage, l'acquisition ne se fait pas, c'est-à-dire il n'est pas censé, ou il peut très bien ne pas acquérir ce qui lui est donné en classe. La deuxième question, c'était... Alors, sur la question faite de l'intérêt et du désintérêt des jeunes Algériens pour la langue française, qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'un jeune Algérien va s'intéresser à l'apprentissage du français? Oui. Un jeune Algérien, je dirais, les jeunes Algériens peuvent être intéressés par la langue française dans la mesure où ils sont préparés à cela dès l'enfance. Donc ça va dépendre aussi du milieu socioculturel dans lequel ils se trouvent. S'ils sont plutôt de parents francophones, donc parents cadres qui ont fait leurs études en langue française, etc., cela peut favoriser le fait de vouloir apprendre la langue française. Et généralement, ce genre de personnes, donc ce genre de familles, poussent leurs enfants à s'améliorer en langue et les poussent souvent aussi à aller en France poursuivre leurs études après l'obtention du baccalauréat ou après l'obtention de la licence. Donc, il y a quand même un milieu favorable à cela. Donc, il y a certaines couches, il y a certaines couches sociales où on est plus enclin à parler le français, même dans le quotidien, donc même ce qui facilite l'apprentissage scolaire, donc en classe. Donc généralement, il y en a pas mal qui viennent déjà à l'école primaire en maîtrisant la langue française. Mais ils sont pas, enfin pas mal, c'est un peu exagéré, mais on va dire que c'est une minorité qui a cette possibilité. Donc il y a cet intérêt. Il y a d'autres qui ne font pas partie de cette tranche sociale, mais malgré cela, ils arrivent quand même à réussir. Ils s'intéressent parce qu'ils savent que l'accès à un poste important, à une fonction importante, peut être conditionné par la maîtrise d'une langue étrangère. Et chez nous, la première langue étrangère, bien sûr, c'est le français, ce qui fait que c'est le premier choix qu'ils ont, donc ils essaient de la maîtriser pour pouvoir avoir des postes importants, enfin importants ou plus ou moins acceptables plus tard. Donc ils savent très bien que l'accès vers certaines filières, notamment techniques en Algérie, tout ce qui est ingénierat, tout ce qui est matière scientifique, ce sont des filières au jour d'aujourd'hui qui sont enseignées en langue française à l'université. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'arabisation a été instaurée à peu près à partir des années 70. Après, ça a été vraiment appliqué vers la fin des années 80. Et aujourd'hui, c'est officiel, l'école algérienne est arabisée. Mais arrivée au stade universitaire, toutes les formations techniques n'ont pas pu être enseignées en langue arabe, parce que nous n'avions pas les cadres arabophones qui pouvaient assurer cet enseignement, puisque tous les enseignants du technique à l'université ont suivi leur formation en français avant. Donc, ça va prendre du temps avant qu'on puisse avoir des cadres universitaires qui puissent enseigner les matières scientifiques en langue arabe. Donc là, les personnes qui ne maîtrisent pas généralement s'orientent vers les matières enseignées en arabe à l'université, et ce sont généralement les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire sociologie, psychologie, arabe, histoire, etc. Très bien, donc là vous avez vraiment bien montré l'intérêt de la langue française par rapport à la question de l'ascension socio-professionnelle et également la question de la reproduction sociale. Dans votre étude, donc vous venez de le rappeler, le français est la première langue étrangère enseignée en Algérie après 2 ans de scolarité, ce qui est relativement tôt, j'imagine. Alors, l'anglais arrive 4 ans après le français. Donc, l'arabe classique est bien évidemment la langue officielle de l'enseignement, tandis que l'arabe dialectal est parlé par une majorité d'Algériens, avec des variantes régionales, tout comme le berbère, qui est donc la langue d'une identité nationale. Alors, j'aimerais un peu avoir votre regard sur cette pluralité linguistique de l'Algérie et savoir un peu quels sont les avantages et les inconvénients de cette situation. Je ne crois pas qu'il y ait d'inconvénients dans une pluralité. Moi, je suis partisane de l'ouverture vers un petit peu la diversité. Les avantages, c'est que, vous savez, les nouvelles études concernant l'acquisition des langues disent que plus on est confronté à des langues étrangères ou à langues secondes, donc plus on est confronté à ce genre, à une diversité de langues dès notre jeune âge, on a plus de possibilités d'apprendre quand on est adulte aussi. D'ailleurs, il y a certains locuteurs algériens qui ont à leur actif dès la première année primaire, déjà 2 langues. Je parle des berbérophones qui ont comme langue maternelle le berbère, mais en sortant dehors, ils vont trouver l'arabe dialectal qui est parlé par les arabophones, donc ils vont l'apprendre aussi. Donc ils ont déjà 2 langues. Et quand ils rentrent en première année primaire, ils vont apprendre l'arabe classique, qui est vraiment différent de l'arabe dialectal. Donc moi, j'estime qu'ils ont déjà 3 langues. Et quand ils passent à la langue française, c'est la 4e langue. Et je n'ai pas d'études scientifiques ou de statistiques, mais je sais d'expérience que les étudiants ou les élèves berbérophones ont beaucoup plus de facilité d'apprendre la langue française et la langue anglaise, parce qu'ils ont déjà 3 expériences d'apprentissage de langue, contrairement aux arabophones qui n'en ont que 2. Donc, ils sont un peu plus avancés par rapport à, aux autres. Donc, je crois que l'avantage, c'est que ça permet d'être ouvert vers l'apprentissage des langues étrangères, de leur permettre de, d'accepter d'autres cultures, mais aussi de, d'avoir une certaine facilité d'apprentissage pour les langues. Effectivement, la question de la plurilinguisticité est assez intéressante puisqu'elle renvoie donc à une diversité d'identités culturelles, à un partage également de connaissances et aussi à une psychologie dans la mesure où la langue a une capacité donc d'aliénation, d'adaptation et de subversion. Alors dans le titre de la communication que vous avez donnée lors de ce colloque, vous citez notamment le grand écrivain algérien d'expression française Kateb Yassine qui disait que la langue française est un butin de guerre. C'est une expression intéressante qui rappelle qu'on est dans l'année du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie et qui pose aussi la question du rôle des intellectuels qui ont été formés finalement à l'école française occidentale et qui n'ont pas forcément la capacité de s'adresser dans la langue du peuple au peuple. Donc comment vous vous situez par rapport à cette question-là ? Oui, l'exemple est peut-être pas très bien choisi pour ça, parce que Kateb Yassine, justement, a écrit dans les années 50 en langue française, c'est-à-dire il avait écrit Nejma, le polygone étoilé, etc., en langue française les premières années. Mais après l'indépendance, enfin, c'était un militant, il a fait la prison à 16 ans, donc pour avoir participé aux manifestations de 1945 à Constantine. Et donc, c'était quelqu'un qui déjà refusait l'idée du colonialisme. Donc, il a écrit en français parce qu'il était de formation francophone. Donc, même s'il avait fait avant l'école coranique, donc il connaissait l'arabe, c'est aussi un berbérophone d'origine. Mais sa formation scolaire s'est initialement faite en langue française. Donc, il a écrit les premières œuvres par lesquelles il est connu dans le monde entier. En français. Mais après l'indépendance, il a tout de suite commencé, c'est parmi les rares écrivains qui ont écrit en arabe algérien, dialectal, c'est-à-dire il a commencé à écrire des pièces théâtrales en arabe algérien et qu'il a fait traduire en berbère. Donc, il a été contre. C'est quand il a parlé de butin de guerre, c'est vrai, il s'en est servi à une époque où on en avait besoin parce qu'on était en lutte contre le colonialisme. Mais juste après l'indépendance, il a choisi la langue du peuple. Il a bien sûr continué à écrire aussi. Il a eu des essais en langue française, etc. Mais sa langue de lutte aussi pour diffuser ses idées, c'était. C'était l'arabe dialectal. Donc il a commencé à écrire pour pouvoir atteindre une plus grande majorité qui n'était pas scolarisée à l'époque. Oui, ce que vous dites, c'est très intéressant. Ça me fait penser par exemple au cas d'un président africain des années 60-70, Julius Nyerere, en Tanzanie, qui avait fait traduire un certain nombre d'ouvrages en swahili pour que justement la population ait accès à ce savoir universel et accès aux œuvres de Shakespeare en langue swahili. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors pour terminer, donc, vous avez en fait mené une étude qui s'est intéressée aux changements connus par la société algérienne avec l'utilisation de l'Internet, donc les nouveaux médias, les nouvelles technologies. Alors vous avez cherché à connaître les représentations d'une jeunesse qui a aujourd'hui les moyens d'avoir un contact avec le monde. Et votre but était de savoir si Internet avait permis une réconciliation des jeunes Algériens avec la langue française. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les premiers résultats de cette étude et nous dire quelles sont les dynamiques sociolinguistiques qui relient aujourd'hui la jeunesse algérienne à l'espace global ? Oui. L'étude n'est pas encore terminée, mais je peux vous donner un petit peu ce qui en est ressorti après ma première analyse. C'est que les choix, c'est pas le fait d'avoir Internet qui peut s'ouvrir sur le monde entier qui va permettre à cette jeunesse d'aller vers l'autre. C'est-à-dire, ils ont cette possibilité d'utiliser Internet, de contacter des personnes dans le monde entier, d'utiliser les langues, d'autres langues étrangères. Mais leur choix, justement, est guidé, est conditionné par leurs idéologies. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, dans la présentation, c'était deux groupes, un groupe arabophone et un arabophone non, parce qu'il y a aussi des berbérophones qui étudient en arabe. Donc un groupe du département, voilà. Département de français, voilà. Il me semble, voilà. Un groupe du département de français, un groupe des autres départements qui prennent leur enseignement en langue arabe. Et ces groupes-là choisissent d'aller vers les sites qui sont faits en arabe. Donc, des sites. Et généralement, leur recherche se situe un petit peu dans des recherches sur l'islam ou dans des recherches sur les travaux que leur donnent leurs enseignants en classe, etc. Donc, de par l'endroit où est-ce qu'ils se trouvent, de par aussi le fait qu'ils ne maîtrisent pas la langue française, ils sont un petit peu obligés d'aller vers la seule langue qu'ils maîtrisent, qui est un peu parlée ailleurs qu'en Algérie. Donc ils vont vers les sites en langue arabe. Ensuite, ils justifient cela, c'est ce qu'on appelle dans la sociologie, je crois, que dans les fonctions de la représentation. La représentation peut avoir ce qu'on appelle une fonction justificatrice qui vient après l'acte, c'est-à-dire ils vont vers l'arabe, mais ils vous disent « bon, on y va, on préfère l'arabe parce que c'est la langue du Coran, parce que c'est une langue sacrée. On n'aime pas la langue française parce que c'est la langue du colonisateur. Mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas la vraie raison. C'est pour justifier une certaine incapacité aussi à parler en langue française, à écrire. On le voit à travers aussi, parce que si on revient aussi à leur représentation, beaucoup de ces étudiants expliquent qu'en fait, parce qu'il y a un hadith, c'est-à-dire des paroles du prophète, qui disent qu'il faut apprendre la langue des autres, voilà, des langues étrangères. Donc c'est parmi les conseils, les préceptes du prophète. Donc ils choisissent ce qui les intéresse en fait dans la religion pour justifier ce refus de la langue de l'autre. Mais je crois que s'ils avaient eu la possibilité d'avoir une réelle maîtrise de la langue, les choses auraient pu être différentes. Oui, une dernière question que je me pose en fait par rapport à la question donc de l'usage d'Internet. On a vu que dans les révoltes arabes qui ont eu lieu l'année dernière, Internet avait joué un rôle. Et on s'était étonné du fait qu'en Algérie, il n'y avait pas eu le même engouement. Donc on sait qu'il y a d'autres raisons. Il y a le printemps de 90, je crois. 88, pardon. Et on sait qu'il y a d'autres contextes, un autre contexte socio-économique. Mais est-ce qu'en allant donc sur les sites internet où vous voyez donc les jeunes exprimer leur vision du monde, vous avez vu un certain nombre de revendications d'ordre politique? Oui, en Algérie, les revendications se font tous les jours. C'est-à-dire, ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde s'exprime, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc les revendications, il y en a partout, sur les sites internet, dans les journaux, etc. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été un élément déclencheur à la révolte ou à la révolution? C'est aussi des raisons. J'explique ça par le fait qu'il y a eu quelques améliorations dans la situation socio-économique. On attend de voir ce que ça va donner. Mais aussi, la blessure est encore fraîche par rapport à ce qui est arrivé durant la décennie noire, ce qu'on appelle la décennie noire, les 10 ans de terrorisme. Donc les gens n'ont pas encore oublié la violence qui s'est passée. Je crois qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de faire un choix de révolte un peu violent ou qui soit un peu... je dirais violent, je ne trouve pas un autre mot. Donc, je crois qu'ils y réfléchissent à deux fois. Très bien, très bien. Donc, je vous remercie. Assia Belguédouche, je vous remercie également. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences du langage en spécialité didactique. Vous êtes maître assistante à l'École nationale supérieure des sciences humaines d'Alger. Je suis Hamzat Boukari Yabara. Vous écoutez Amandla sur CKUT 90.3 FM. Restez branchés. Merci. Oui, merci beaucoup Moussa donc pour le travail que tu fais à la technique. Donc j'en profite également pour remercier Hamzat pour cet entretien qu'il a réalisé, même s'il a quitté. En fait, ce qui t'a retenu donc dans cet entretien, c'est le rapport assez flou et ambivalent sur le plan statutaire à la langue française en Algérie, puisque comme nous venons de le voir, c'est une langue qui joue un rôle important au niveau de l'ascension professionnelle, au niveau de la reproduction sociale, mais aussi c'est la langue d'élite parlée par toute une catégorie d'Algériens francophones, mais très souvent francophiles également. Il y a une catégorie importante, si vous voulez, de cadres, d'une frange importante de la société qui maîtrise davantage la langue française que la langue arabe. Donc, pour des raisons complexes à analyser pour un sociologue et un politologue, bien entendu, ce rapport est très complexe, il est très subjectif en Algérie, puisque cette langue qui est une langue usuelle, qui recoupe une bonne partie du travail de la reproduction sociale en termes économiques, au niveau des échanges économiques, au niveau des journaux, où il y a une presse par exemple en Algérie qui est très importante et qui est en langue française, mais cette langue bien entendu ne jouit pas du statut de langue officielle. Bon, je ne prendrai pas position sur cette question qui est le statut de la langue officielle française en Algérie, une question qui relève davantage qui recoupe en tout cas des enjeux de subjectivité politique. Le rapport à la colonisation est très important à considérer ici. Je voudrais juste donner des éléments supplémentaires pour comprendre la situation linguistique qui prévaut dans ce pays. À ce jour, la seule langue qui dispose d'un statut de langue officielle, c'est bien entendu la langue arabe. Et ce qui est intéressant précisément dans l'entretien que nous venons de voir, c'est que nous avons compris que la langue arabe qui dispose du statut de langue officielle, c'est un arabe standardisé, c'est un arabe classique. Or, justement, cet arabe classique et cet arabe standardisé subit ce que la sociolinguistique appelle une situation de diglossie. Qu'est-ce que ça veut dire une situation de diglossie? Ça veut tout simplement dire qu'il y a un décalage sur le plan symbolique et sur le plan linguistique qui est important entre l'arabe standardisé et l'arabe dialectal qui est parlé par la majorité des Algériens dans les échanges linguistiques quotidiens. Or, entre le français standard et le français populaire que parlent les gens, que ce soit au Québec ou en France, ce décalage n'existe pas, c'est-à-dire ce phénomène de diglossie linguistique n'est pas énorme. Alors, ce qui explique finalement ce phénomène de diglossie, c'est-à-dire le décalage entre l'arabe standard et l'arabe populaire et les différentes variantes de l'arabe populaire en Algérie, c'est sans doute parce que, et c'est là que je vais prendre position, c'est parce que bon, je refuse de considérer que l'arabe populaire en Algérie doit être après langue arabe précisément. Je pense que l'arabe qui est parlé, ce qu'on désigne comme l'arabe populaire, est un créole linguistique de la langue arabe qui est fait de tous les différents apports linguistiques qui peuvent être du phénicien, qui peuvent être du tamazir, des apports du français, des apports de l'espagnol. Et justement, le fait de la non-reconnaissance de cette créolisation de la langue populaire, le fait de ne pas vouloir standardiser cette langue populaire, le fait de ne pas vouloir donner des moyens institutionnel précisément pour que cette langue populaire passe à l'écrit, pose des défis énormes. Deuxième défi peut-être à réaliser et à affronter dans les sociétés maghrébines, le deuxième statut des langues populaires, la deuxième langue populaire la plus usitée, après la langue arabe dialectale, mais en fait que moi je suggère d'appeler le maghrébi, c'est-à-dire l'arabe derija, c'est-à-dire l'arabe dialectale, c'est la situation de la langue tamazir dans ses différentes variantes qui peuvent être le kabyle en kabylie, le chaoui dans les Aurès, le targhi dans le sud algérien, le chinois. Donc il y a plusieurs variantes régionales de la langue tamazirte qui est elle-même la langue berbère, donc, que je préfère appeler tamazirte parce que berbère qui découle du latin barbarus, qui est une attribution, si vous voulez, péjorative, parce que ce sont les gréco-romains qui ont appelé cette langue langue berbère. Ça veut tout simplement dire langue étrangère à la culture gréco-latine. Donc c'est le fait que ces langues ne disposent pas du statut de langue officielle. En fait, quelle est selon moi la raison pour laquelle c'est seulement la langue arabe officielle qui dispose du statut de langue officielle? Je pense qu'il y a un compromis politique entre l'appareil d'État algérien et les franges les plus conservatrices de la société. Malheureusement, le capital symbolique dont jouit la langue arabe classique en Algérie, c'est que la langue arabe classique jouait d'une espèce de statut de sacralisation en termes de langue liturgique, de langue du Coran, et la langue arabe continue à jouir, si vous voulez, à servir dans les modes symboliques de légitimation du pouvoir algérien. On n'a pas le temps de rentrer dans toutes les subtilités de ce débat. Je pense qu'il est très important de l'ouvrir, hein, parce que le débat sur les langues populaires, il se pose au Maghreb à la faveur de l'arabe dialectal et de la langue berbère. Il s'est posé en Afrique noire. Il y a des intellectuels au Kenya qui ont fait le choix, par exemple, du Kikuyu. Je pense à cet écrivain kenyan très important qui est Thiong'o Watyong'o. Donc, Julius Nyerere, à l'époque de la révolution au Ujamaa en Tanzanie, avait posé également la question des langues populaires par rapport à l'anglais. Ce débat reste à faire. Il appartient aux intellectuels africains progressistes de le poursuivre, de l'actualiser. Et je pense qu'il est de devoir d'une émission comme la nôtre d'y revenir. Voilà. Une petite pause musicale, Moussa.